Alors que vous fermez les yeux et que vous entendez cette voix, ici débute un temps pour vous, dans un espace et un moment que vous avez choisi. C'est une période privilégiée pour vous, rien que pour vous, comme un cadeau que vous vous faites. Pour plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de bien-être. À tout moment, c'est vous qui contrôlez la situation. Vous êtes libre de vous laisser aller à un état particulier entre veille et sommeil. Pour plus de confort, plus d'équilibre et plus d'harmonie. Vous et vous seul contrôlez cette porte d'entrée vers un monde intérieur plus profond, plus intime, le vôtre. C'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui pouvez, si vous le souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, ouvrir une porte. Ou peut-être, dans quelques instants, en prenant le temps qu'il vous faudra, aurez-vous envie d'ouvrir cette porte? Ou peut-être vous faudra-t-il encore un peu de temps pour vous autoriser à élargir votre champ de conscience, et c'est bien comme cela. Car vous pénétrez désormais dans un monde d'autorisation. Un monde qui est le vôtre et dans lequel vous êtes à la fois le contenant, le contenu, le yin et yang, l'eau et le feu, l'air et la terre. Autorisez-vous d'abord à vous relaxer progressivement. Centrez-vous dans un premier temps sur votre corps. Repérez les zones les moins détendues. Dans quelle partie de vous y a-t-il le moins de calme? Prenez le temps nécessaire pour mieux vous installer, pour vous installer dans une position confortable, car c'est tellement plus agréable d'être confortable. Et tout au long de cette séance, sentez-vous libre à faire ce qui est bon pour vous. De voir des images agréables, d'entendre des sons particuliers, mélodieux, de ressentir des sensations de calme, de bonheur et de détente. Laissez-vous bercer par la douce sécurité de cette bulle de confort dans laquelle vous vous installez progressivement. Une bulle de protection dans laquelle vous pouvez planter un décor familier ou, si vous le souhaitez, un décor imaginaire comme un endroit secret. Un jardin privé, intime, rien que pour vous. Un endroit qui sera désormais vôtre, rien qu'à vous, que vous retrouverez de plus en plus rapidement de plus en plus facilement. À chaque fois que vous vous concentrerez à nouveau sur votre respiration et que vous écouterez cet enregistrement, vous pouvez maintenant prendre plusieurs bonnes inspirations afin de laisser entrer de l'air dans vos poumons comme pour laisser entrer plus de liberté en vous. Et lorsque vous soufflez, laissez partir ce qui n'a rien à faire ici. Sentez maintenant le passage de l'air dans vos narines. Respirez. Oui, humez cet oxygène, cette énergie vitale. Laissez-la parcourir votre corps. Nimbez chaque partie de vos cellules. Lui apportez de la lumière. Laissez cette lumière grandir en vous. Inspirez profondément en vous concentrant sur l'air qui entre dans vos poumons, comme le vent s'engouffre dans la forêt. Mentalement, poussez cet air dans le bas de vos poumons, au niveau du ventre. Votre ventre qui va s'arrondir comme un ballon. Laissez cet air ressortir librement en dégonflant votre ventre. Profitez de ce bon massage. Tous les organes abdominaux profitent également de la douceur de ce massage. Respirez sereinement, paisiblement, posément. Laissez-vous envelopper par la détente qui s'installe de plus en plus dans ce corps. Ce corps qui doucement s'endort alors que l'esprit s'éveille, comme dans un rêve. Laissez-vous aller à cette détente, cet état de calme, cet état particulier où vous entrez en contact avec vos ressources profondes, avec vos trésors enfouis. Faites-vous ce cadeau utile pour vous, pour votre être profond, pour votre équilibre, pour votre harmonie, pour votre mieux-être. Remettez-vous à cette voix maintenant, qui pourrait bien être comme votre propre voix, la voix de votre esprit profond, ou bien la voix du vent de la nature. La vraie nature profonde. Et si à un certain moment, d'une de ces paroles ne convient pas à l'inconscient, qu'il se sente libre de la modifier, de la changer, de faire le choix des paroles qu'il accepte et des mots qu'il laisse, afin que ces phrases aient une résonance positive, car il est important que toute cette séance soit agréable, constructive. Ou si à un quelconque moment, les impressions, les émotions pas vraiment agréables surviennent, l'esprit peut les propulser comme sur un écran de cinéma, juste pour regarder et voir, écouter et entendre tout simplement, sans ressentir quoi que ce soit de pas vraiment agréable. Vous êtes libre de préserver ce qui est bon pour vous, d'optimiser ce qui est essentiel, pour que ce soit utile et bon pour vous. Et puis, souvenez-vous d'effacer tout ce qui n'est pas utile, comme avec une gomme. Vous pouvez juste vous souvenir d'oublier, ce qui n'a rien à faire au niveau de la conscience. Comme simplement oublier de se souvenir de ce qui est mieux pour vous dans l'inconscient. Et sentez-vous libre comme l'air, comme le souffle du vent, comme l'eau pure qui s'écoule de sa source. C'est bien de pouvoir se détendre facilement. Ce qui est intéressant lorsqu'une personne entre dans un état de détente, c'est qu'elle n'a pas besoin d'écouter ma voix. Car à un autre niveau, les apprentissages se font tout simplement, sans forcer. Car parfois on rêve, que l'on rêve. Et en plus du son de cette voix, de la musique, des bruits particuliers, vous pouvez rester en contact avec tous les bruits éventuels alentour. Vous en servir pour approfondir encore votre état dedans. Et tous les bruits dehors peuvent devenir comme des bruits de dedans. Et tous les bruits de dedans peuvent devenir comme des bruits de dehors. Si la situation le demande, sentez-vous également libre de cesser cette expérience pour revenir, si nécessaire, à un état de vigilance accrue, afin de répondre à une urgence inattendue. Pour l'instant, concentrez-vous sur la partie de votre corps qui peut commencer maintenant à se détendre. Peut-être est-ce d'abord plutôt dans le haut du corps, encore plus lourd. Peut-être est-ce plutôt devant ou plus en arrière du corps. Plus à droite ou plus à gauche. Mais ce qui est sûr, c'est que cette partie peut facilement apprendre, ou une partie voisine, à se détendre. Et cette détente peut se propager doucement à l'ensemble du corps. Vous n'avez rien à faire, juste laissez faire et profitez. Et si des pensées traversent votre esprit, quelles qu'elles soient, laissez-les passer. Regardez-les et laissez-les s'en aller, comme passent les feuilles dans le courant d'un ruisseau. et vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Votre inconscient peut entendre tout ce que je dis. Et vous n'êtes même pas obligé de m'écouter. Ou peut-être des images, des formes et des couleurs se forment dans votre esprit. Et vous pouvez même prendre plaisir à laisser venir à votre mémoire plusieurs souvenirs agréables, de détente, de calme, de joie, de bonheur, de bien-être. Et vous pouvez voir et entendre, sentir autour de vous chaque détail important de ces couleurs et ces formes particulières, ces sons et ces impressions agréables. Car à ce moment, vous apprenez bien plus que vous ne le pensez. Et une partie de l'esprit innocent ne se rend pas encore compte, ayant l'impression que rien ne se passe. C'est très bien comme cela. Car à un autre niveau, plus subtil, plus profond, des mots défilent vers l'état de conscience. Le plus subtil pour l'atteindre tous vos objectifs. Plus votre respiration devient profonde et lente, plus cette détente se propage dans le corps. Plus la respiration devient profonde et calme, plus cette sensation de détente s'amplifie. Je me demande quelle partie du corps sera la dernière à se détendre complètement. Maintenant, afin d'entrer dans un état très agréable, propice à de nombreux apprentissages, bénéfique pour la santé et le bien-être, la maîtrise de soi. Je ne sais pas si déjà maintenant, à un autre niveau, l'esprit profond explore déjà tranquillement et sans qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit, les ressources utiles à plus de maîtrise, de confiance au quotidien. Et en ce moment, vous apprenez bien plus que vous ne le pensez. Toutes ces pensées vont vous quitter vers l'état de conscience de plus en plus pour l'atteinte de vos objectifs. Restez comme cela. Continuez. Et vous pouvez prendre du plaisir à ce que vous faites en ce moment. Vous êtes en ce moment si profondément apaisé, si profondément relâché. Que votre esprit profond est devenu très affûté, très à l'écoute de ce que je dis. Que tout ce que je dis de positif, de bénéfique pour votre bien-être, votre équilibre et votre harmonie vont à présent s'y installer fermement. Cela va provoquer une impression si puissante, si permanente, que rien ne pourra l'annuler. Et ainsi, ces paroles lumineuses, profitables pour vous, que je mets dans votre esprit inconscient, vont entreprendre d'exercer une influence de plus en plus grande dans votre manière de raisonner, dans votre manière de vous percevoir, dans votre manière de vous comprendre. Et parce que ces choses vont demeurer fermement implantées dans la partie profonde de votre esprit. Après cette séance, elles vont continuer à exercer la même force sur vos opinions, sur vos perceptions, sur vos actes, tout aussi solidement, tout aussi certainement, tout aussi vigoureusement dans vos moments de plaisir. Et lorsque votre attention doit être maximale, lorsque vous êtes en train d'écouter ma voix, maintenant, vous êtes maintenant si profondément apaisé au cours de cette intense détente, vous allez vous sentir physiquement et psychiquement une personne plus énergique, en meilleure forme. À tout moment, une personne plus vive, plus éveillée, plus énergique. Chaque jour, vous allez être si profondément captivé par ce que vous réalisez, par ce qui se passe autour de vous, votre mental va être totalement inattentif à vous-même. Vous allez être de plus en plus détaché de vous-même. Vous allez avoir moins conscience de vous-même. Être moins préoccupé de vous-même, de vos sentiments personnels. Chaque jour, vous allez adopter une attitude plus positive. Vos rêves vont devenir de plus en plus robustes, solides. Votre pensée plus calme, plus claire, plus raisonnée, plus paisible, plus tranquille. Vous allez être capable de réfléchir plus sereinement. Vous allez être capable de vous concentrer plus facilement. Vous allez être capable de centrer toute votre attention sur ce que vous êtes en train de faire, à l'exclusion de toute autre chose. Votre mémoire, votre capacité intellectuelle vont encore s'accroître. Vous allez être capable de voir les choses sous une perspective réelle, sans jamais les oublier, sans jamais les laisser devenir hors de proportion. Chaque jour, vous allez devenir plus calme sur le plan mental, sur le plan émotionnel, bien plus stable. Chaque jour, vous allez devenir de plus en plus complètement relaxé, de plus en plus détendu. Chaque jour, tant sur le plan mental que sur le plan physique, même lorsque vous n'êtes plus en train d'écouter cet enregistrement. Et alors que vous devenez, que vous restez plus décontracté, plus apaisé chaque jour, vous allez développer bien plus de confiance en vous-même, bien plus de confiance en votre capacité de faire. Tout ce que vous devez faire jusqu'à maintenant. Et aussi plus de confiance dans votre aptitude à faire tout ce que vous devriez être capable de faire. Pour vous. Pour vous-même. Et c'est pourquoi chaque jour, vous allez devenir une personne de plus en plus indépendante, capable de tenir bon, quelle que soit la situation, la conscience apaisée. Le jour, ou un jour, vous allez percevoir une attitude plus positive, une sensation plus importante de bien-être, une sensation plus forte de sécurité individuelle, bien plus que ce que vous avez ressenti depuis bien longtemps. Et parce que toutes ces choses vont continuer à s'amplifier de plus en plus puissamment, fortement, totalement. À chaque fois que vous écoutez cet enregistrement, vous allez vous sentir une personne bien plus satisfaite, bien plus positive, optimiste dans tous les domaines, vous serez par conséquent bien plus à même de compter sur vous-même, de ne faire confiance qu'à vous-même, à vos propres réflexions, à votre propre jugement, à vos propres appréciations. Vous allez ressentir beaucoup plus votre aptitude à prendre de bonnes décisions. Comme par exemple, devenir encore plus la personne que vous rêviez d'être. Et alors que vous continuez ce lâcher-prise, à vous relâcher, en laissant simplement aller. À être de plus en plus profondément relâché, vous relâchez complètement. Complètement dans toutes les fibres de votre vie. Vous vous détendez de manière physique. Vous vous détendez sur le plan émotionnel, au niveau mental. Respirez bien. Et lorsque vous vous détendez si totalement de cette manière, en centrant votre esprit, en écoutant chacune de ces paroles, vous autorisez chaque proposition à avoir un effet complet, profond, pour vous aider en profondeur, de manière automatique. Une vue superficielle, quand même une vue profonde de votre esprit. Vous étendez les bases principales de relaxation, de concentration, dont vous êtes en train de faire l'expérience dans votre vie quotidienne. Si bien qu'en toute circonstance, dans toute situation dans laquelle vous vous retrouvez, que ce soit seul ou avec d'autres, vous êtes relaxé. Avec l'esprit concentré automatiquement. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. Vous constatez que de plus en plus, jour après jour, vous le relâchez. Vous concentrez votre état. Si vous êtes en train de faire quelque chose pour le plaisir, la détente. Vous relaxez, vous prenez encore plus de plaisir. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui est en relation avec le travail, quelques activités, un projet sérieux, vous vous détendez et vous vous impliquez plus à fond, plus efficacement. Vous vous concentrez, vous faites un meilleur travail. Et ainsi, chaque jour, dans toutes les expériences que vous vivez, vous vous relaxez et vous vous détendez de plus en plus. En même temps que vous vous relaxez, que vous vous détendez, vous évaluez les choses en profondeur, complètement. Vous prenez facilement, rapidement des décisions. Vous agissez avec efficacité, réussite. Vous développez votre confiance en vous, votre assurance, votre estime de vous-même, en vous acceptant de mieux en mieux. Vous devenez une personne plus énergique, plus autonome. Et quand cela se produit, vous vous sentez plus relaxé et vous êtes capable d'une plus grande concentration. Et alors que vous vous laissez aller, de plus en plus profondément relaxé, vous laissez toutes ces propositions s'installer profondément, en permanence, dans votre esprit inconscient. Et alors que vous appliquez ces principes automatiquement dans la vie quotidienne, tous les jours, dans toutes les situations, toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, que ce soit seul ou avec les autres. Vous vous relaxez de plus en plus profondément. Vous concentrez votre esprit de manière plus intense. Vous évaluez les choses à fond, complètement. Vous prenez les décisions facilement, rapidement. Vous agissez avec efficacité, réussite. Vous développez sans cesse votre confiance en vous, votre assurance, votre estime de vous-même. Et vous vous acceptez de plus en plus. Et vous découvrez continuellement que vous êtes capable de plus de relaxation. Pour une plus grande concentration. Et ainsi de suite. Dans un cycle de progrès qui croît, s'approfondit, se renforce, se consolide chaque jour. Alors que vous vous développez, que vous devenez cette personne que vous avez toujours admirée, la personne que vous avez toujours voulu être, pleine de confiance en vous, pleine d'optimisme, une personne si positive. Toutes ces suggestions sont maintenant en ce moment-ci en profondeur, solidement, de manière perpétuelle, dans les parties les plus intimes, les plus profondes de votre esprit inconscient. Elles font partie de votre être. Pour que vous les utilisiez opiniâtrement, pour rendre votre vie plus efficace, plus productive, plus utile, plus heureuse, pour que vous appreniez à vous détendre de plus en plus. Et que vous appreniez à concentrer votre esprit de plus en plus. Et alors que cela commence à se produire chaque jour, vous allez trouver que vous êtes capable de vous contrôler, de maîtriser vos émotions, d'attendre pour changer cette image de vous-même que vous avez devant les yeux, dans votre esprit. comme vous voulez être, comme vous pouvez être, comme vous allez être. Vous allez pouvoir vous en servir. Vous campez sur vos deux pieds. Exposez vos avis, vos idées, en toute quiétude, en toute confiance, sûr d'eux, sûr d'être capable de tolérer les personnes, les lieux, les choses qui autrefois ne vous occupaient pas assez. Vous allez être capable de vous ajuster à votre milieu, d'être en symbiose, même si vous ne pouvez pas changer. Et sentez-vous libre de garder ce qui est bon pour vous, d'améliorer ce qui est utile pour que ce soit meilleur. Et puis, souvenez-vous d'oublier ce qui ne vous est pas utile. Et laissez ce travail continuer bien longtemps après la fin de cette expérience. Et votre inconscient peut mettre en place ses solutions cette nuit ou une autre nuit. Il peut les renforcer à chaque écoute de cet enregistrement. Et vous aurez peut-être un de ces rêves particuliers dont vous vous rappellerez après une bonne nuit reposante, qui prendra sens pour vous, pour votre projet, pour vos objectifs. Et vous pourriez juste vous souvenir d'oublier, ce qui n'a rien à faire au niveau de la conscience. Comme simplement oublier de se souvenir de ce qui est mieux dans l'inconscient. Et dans un moment, vous allez prendre deux ou trois bonnes inspirations afin de revenir ici et maintenant. D'abord lentement, puis rapidement, avec la sensation agréable que quelque chose de bien est arrivé. Et vous pourrez vous attendre à de merveilleux changements dans les jours qui viennent, par ce changement agréable, positif dans votre vie. Elle est plus positive grâce à une attitude plus positive. Vous entendez ma voix, qui pourrait bien être la voix de votre inconscient. Cette voix qui dans quelques instants va décompter de 7 à 0. Et à 0, vous ouvrirez les yeux sur l'avenir. Un avenir positif, de bien-être, de confiance en vous, d'équilibre, d'optimisme. Vous reprenez progressivement la maîtrise de toute votre capacité intellectuelle, psychique et physique, déjà amplifiée. 6. De plus en plus à partir de maintenant, vous allez vous sentir de plus en plus calme, à l'aise, en paix, avec le sentiment que c'est si bon d'être en vie, de faire partie de cet univers, d'en être un maillon essentiel. 5. C'est si bon de planifier, d'être dynamique, d'être une personne pleine d'entrain, en bonne santé, légère, capable de progresser avec tout ce qui vous entoure. Chaque respiration vous apporte désormais une nouvelle énergie qui vous rend positive. 4. Chaque jour, vous prenez plus de plaisir à chaque aspect de la vie. Alors que vous vous sentez plus paisible, calme, à l'aise, avec plus d'énergie, plus de vitalité. 3. À partir de maintenant, vous ressentez une force, une énergie nouvelle dans tout votre être. 2. Vous ressentez l'écoulement, la vibration de ce flot d'énergie dans votre vie. Une vie calme, d'harmonie, de confiance en vous. 1. Et maintenant, pour bien réveiller votre esprit, vous prenez une inspiration. Vous pouvez reprendre contact avec votre corps. Bougez vos mains, vos pieds, vos jambes. Ah oui, étirez-vous maintenant, calmement, tranquillement. Vous respirez profondément. Vous êtes bien, calme, détendu. Vous respirez librement. Et à zéro, vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous le désirez. Prenez votre temps pour votre nouvelle vie. Votre vie positive, optimiste, pleine de lumière, d'harmonie, d'équilibre. 0. Voilà, c'est très bien. Bravo.